3 et 4 et 1 et 2 et... Jésus avait une Game Boy. Il jouait tout le temps à Mario Land. Il avait une Game Boy. Ouais, une Game Boy Advance. Napoléon avait la GameCube. Il jouait à Mario Sunshine. Il avait une GameCube. Et pas de Game Boy Advance. Henri IV avait Game Boy Caméra. François Ier la Game Boy Printer. Bill Clinton à la Super Famicom. Et Monica avait Super Mario World Advance. Elle avait une Game Boy. Louis XIV avait tous les Game & Watch. Sa fille Louis XVI organisait des matchs. La des Game & Watch. Mais pas de Game Boy Advance. Christian Clavier a tous les Mario. Gérard Depardieu à tous les Zelda. Vous avez des Game Boy. Ouais, des Game Boy Advance. Et Max le fou à toute la collecte Nintendo. Advance.